Salut les 60, bienvenue sur Radio Game Ozo. Mais avant de retrouver Johnny Hallyday, Chubby Shaker et Wanda Jackson Raven, permettez-moi de citer le regretté Charles Trenet qui déclarait « Le twist est une danse de jeunes et le tango une danse de vieux ». Ceci étant dit, bienvenue dans cette musique de sauvage, comme l'appelaient nos parents. Sad story about a girl named Mary Mack and her wandering lover, Bob Needle. Softly, I can hear her calling. Hey, Bob Needle, Bob Needle, Bob Needle. Hey, Bob Needle, Bob Needle, Bob Needle. Hey, Bob Needle, Bob Needle, Bob Needle. Hey, Bob Needle, Bob Needle, Bob Needle. Hey, Bob. Hey, Bob. Mary Mack, Mack, Mack, all dressed in black, black, black. Don't you know I'm trying, trying, trying just to come on back, back, back. First I took a plane, plane, plane, but there was some rain, rain, rain, and there was no flying, flying, flying. So I took a train, train, train. Oh, Mary Mack, Mack, Mack, it went off the track, track, track. Can't you see I'm dying, dying, dying just to come on back, back, back. Oh, softly, I can hear you calling. Hey, Bob Needle, Bob Needle, Bob Needle. Hey, Bob Needle, Bob Needle, Bob Needle. Hey, Bob Needle, Bob Needle, Bob Needle. Hey, Bob Needle, Bob Needle, Bob Needle. Hey, Bob. Hey, Bob. I took a boat, boat, boat, but it wouldn't float, float, float. So I kept on pumping, pumping, pumping. That was all she wrote, wrote, wrote. So I swam across, cross, cross, and I bought a horse, horse, horse. But it just keeps running, running, running all around the track, track, track. Baby, I ain't lying, lying, lying. Can't you see I'm crying, crying, crying? 'Cause you know I'm trying, trying, trying just to come on back to Mary Mack. Oh, softly, I can hear her holler. Hey, Bob Needle, Bob Needle, Bob Needle. Hey, Bob Needle, Bob Needle, Bob Needle. Hey, Bob Needle, Bob Needle, Bob Needle. Hey, Bob Needle, Bob Needle, Bob Needle. Hey, Bob. Oh, yeah. Hey, Bob. Vous pouvez nous écrire à Radio Game Ozo, 8 places de l'Hôtel de Ville, à 88200 Saint-Étienne-lès-Remiremont, ou nous téléphoner au 0329 62 40 40. Et tu peux l'apprendre sans plus attendre. Je

Buddy Holly, Zal Bizarday. Ce titre, enregistré en 1956, a une histoire. Le directeur de l'Apollo de Harlem, qui n'engageait que des artistes noirs, entendant cette chanson et croyant avoir affaire à un groupe noir, engage Buddy Holly et les Crickets, dire que le public de l'Apollo à leur arrivée sur scène fut surpris n'est qu'un doux euphémisme. Mais le premier moment de surprise passé, allez, ce fut un triomphe. Les surfs Richard Anthony et les chats sauvages, Twist à Saint-Tropez, c'est à venir sur Radio Gamozo. C'est là que commencent toutes les danses qu'on lance en France pour les vacances Twist à Saint-Tropez. On est toujours en avance à Saint-Tropez. Badi mes péchites, Sacha nous quitte, un jour ils seront de retour. Jamais sans passer, tous viennent ici pour s'amuser. Tous ont toujours appris à danser. Tous à Saint-Tropez. Oui, on vient partout dans le monde vers Saint-Tropez. On va sur la plage, mille visages, plus tard ils iront danser. Rose de septembre, rose parmi les roses, permettez mesdames à Richard Anthony et à moi-même de vous offrir ce modeste bouquet. Ne lui dites rien, non, non, non.

tu l'aimes à la folie. Dis-lui que tu l'aimeras pour la vie. Dis-lui, dis-lui, oh dis-lui, oui, dis-le lui. Oh, prends-la par la main. Écris-le lui. Et dis-le lui. Oh, à vous les filles de crier maintenant. Oh, criez donc. Claude François, dis-lui, après la version française, la version originale avec Sonny Hunter, Tall I Am. Feel the moon above. Go out and get him. If you want him to, make your heart sing out. If you want him to, always think of him. Tell him that you're never gonna leave him. Tell him that you're always gonna love him. Tell him, tell him, tell him, tell him right now. Ever since the world began, pour la première fois il y a 5 ans aux États-Unis, la série Les Incorruptibles raconte les exploits d'Eliot Ness luttant contre la pègre du Chicago de l'entre-deux-guerres. Le vrai Eliot Ness est mort en 1956. À la tête d'une équipe de choc, il avait participé à l'arrestation d'Al Capone. Cette série basée sur son livre eut un succès phénoménal en Amérique. Si elle fait preuve d'une certaine complaisance pour les scènes de violence, elle a le mérite d'être noire à souhait. Grâce à sa superbe collection de physionomies, tout à fait patibulaire, celle-ci diffusée sur la deuxième chaîne, le premier épisode, Le fauteuil vide, renvoie le téléspectateur au début de la Prohibition. Nous sommes en janvier 1964 et je vous propose de découvrir quelques titres classés dans les hit-parades de l'époque. En ce mois de janvier 1964, Moustique, l'idole des gosses de la Bastille, sort son premier 45 tours et classe « Je suis comme ça » à la 47e place du hit-parade. Jolis yeux, avec un peu de chance, ça peut marcher nous deux. Mais faut que tu comprennes, j'aime avoir la paix. Et dans la vie, quoi qu'il advienne, je ferai ce qui me plaît. Je suis comme ça, et personne ne me changera. Yeah. Toi, tu as ton caractère, et bien moi, je suis comme ça. Oh.

les bras. Ah, comme on est bien. Dehors, il pleut. Pour l'essence, on est loin. Oh oui, c'est tant mieux. Boutoum, boutoum, boutoum. Allez, allez, allez, on. Boutoum, boutoum, boutoum. Allez, allez, allez, on. Boutoum, boutoum, boutoum. Allez, allez, allez, on. Boutoum, boutoum, boutoum. Allez, allez, allez, on. Oh, dans le fond, nous avons de la chance d'être tombés en panne d'essence. Après tout, ici, on est très bien. Je ne regrette vraiment rien. Pour toi, je perds l'esprit. Attendons un peu. Enfin, tu m'as compris. Le ciel est bleu. Tu ne m'en veux pas. Je t'aime trop. Alors restons comme ça. Oh, comme il fait beau. Oh, chérie, je te demande pardon. Dans la malle, il y a un bidon. C'est seulement maintenant que j'y pense. Il est plein d'essence. Dali, ali, ali, ho. Dali, ali, ali, ho. Dali, ali, ali, ho. Dali, ali, ali, ho. Dali, ali, ali, ho. Dali, ali, ali, ho. Francky Jourdon et Sylvie Vartan pour le plaisir d'essence. C'était une panne d'essence bidon. Et pour le plaisir tout court, Radio Guémozo vous offre le son Rock'n'Roll. They're really rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats will be dancing, sweet little 16, sweet little 16. She just got to have about a half a million famed autographs. Her wallet filled with pictures. She gets them one by one. She gets so excited. I watch her look at her own boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see somebody steal the show. Oh, daddy, daddy, I beg of you, whisper to mommy, it's all right with you. 'Cause they'll be rocking on Bandstand, Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, and down the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats will be dancing, sweet little 16. Rockin' on Bandstand, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans, everybody be dancing, sweet little 16, sweet little 16, she just got to have tight dresses and lipstick and high-heeled shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trim. She'll be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats will be dancing, sweet little 16. Chuck Berry, Suite Lille 16. Vous venez de nous rejoindre, merci de votre choix. Michel Polnareff et Brenda Lee Emotion, c'est maintenant, c'est sur Radio Guémozo. What are you doing? be my ruin. You've got me crying, crying again. When will you let this heartache in? Emotion, you get me upset. Why make me remember what I wanna forget? I've been lonely, lonely too long. You see what you're doing to me. Un jour j'ai traité grand-mère de ring-a-ding. Elle m'a retourné une paire de ring-a-ding. Oh, mais elle ne comprenait pas le ring-a-ding. Elle parlait chinois mais pas le ring-a-ding. Elle n'a pas compris. Je passe ma vie à faire des ring-a-ding. Je n'ai jamais voulu changer de style. J'aime la vie, j'aime le ring-a-ding. Et comme ça je vais de ville en ville. Je suis amoureux d'une fille très ring-a-ding. Elle a des yeux bleus et puis des ring-a-ding. Je faisais ring-a-ding. Mais à la mairie, moi j'ai dit ring-a-ding. Elle n'a pas compris, j'ai dit ring-a-ding. Michel Polnareff, Ring-a-ding, le tout c'était en 1968. Sur Radio Gémozo, la musique s'écoute en deux versions. D'abord la version française avec les vautours, Oncle John. Tout à l'heure j'ai rencontré l'Oncle John. Il dit qu'on ne doit plus danser, voir toi et moi, oh baby, yeah. Après tout, ça ne regarde personne. Si l'on nous voit ensemble du matin jusqu'au soir. Oh baby, yeah, oh baby, yeah, oh baby. Et je suis fou de toi. L'oncle John dès ce soir va voir toute la famille faire un tas d'histoires. Oh baby, yeah, oh baby, yeah, oh baby, parce que je suis fou de toi. Moi tu sais je le vois venir, l'oncle John, il veut me faire épouser une autre fille que toi. Oh baby, yeah, oh baby. Rocky Mountain Castle. Oncle John, oncle John, et de son héritage car tu es tout pour moi. Oh baby, yeah, oh baby, oh baby, que je suis fou de toi. Ouais, tu es mon bonheur à moi, puisque je suis fou de toi. Je ne peux vivre avec toi, yeah, puisque je suis fou de toi. Oh oui, oh oui, vraiment. Sur Radio Guémozo, la légende s'écoute aussi en version originale avec Eddie Cochran, Long Tall City. How about my song for tonight? Yes, well, Long Tall Sally, she built the beach and got everything that Uncle John needed. Oh, baby, yes, baby, ooh, baby. Well, how about my song for tonight? Yes, well, I saw Uncle John, bald-headed Sally, saw Aunt Mary coming and he jumped back in the alley. Oh, baby, yes, baby, ooh, baby. We'll have a mess on for tonight. When the long tall Sally, she built the speech of God, everything that Uncle John needed, oh baby, yes, baby, ooh, baby. We'll have a mess on for tonight. Yes, well, I saw Uncle John, bald-headed Sally, saw Aunt Mary coming and then jumped back in the alley. Oh, baby, yes, baby, ooh, baby. We'll have a mess on for tonight. Oh, let's go. Gonna have some fun tonight. Ooh, gonna have fun tonight. Gonna have me some fun tonight. Oh, everything's all right. Have some fun, we'll have a mess on fun tonight. Avec Gérard, c'est rockement bon. The way she moves her hips up to her fingertips, I feel I'm heaven bound. And when she starts to sway, I've gotta say, she really moves the grass around. Hurrah, a hula baby, hurrah. A hula baby got a hula loo from Honolulu. That rock a hula baby of mine. Although I love to kiss my little hula miss. I never get the chance. I wanna hold her tight all through the night, but all she wants to do is dance. Rock, a hula baby, rock. A hula baby got a hula loop. I'm Honolulu, that rock a hula baby of mine. Baby got a hula loop, I'm a hula loop, that rock a hula baby of mine. Oh, well, that rock a hula baby of mine. Elvis Presley, rock a hula baby. Début 1967, Eddie Barclay décide de lancer Nicole Grisoni. Un nouveau petit monopas des rues, un premier 45 tours, puis un deuxième. Sur ce dernier d'ailleurs figure La Musique, un titre qui va conduire Nicoletta vers le bonheur et les apprentis chanteurs de la Star Academy vers la gloire. Qui brûlait ma vie aux quatre coins des nuits, qui marchait sans but au long de l'ennui. Moi qui ne croyais rien qu'à ces petits matins, à l'aube on peut croire aux rêves de gloire. Aujourd'hui, crois en mon destin pour trouver la vérité. Il me suffisait de chanter pour moi la musique. Oui, la musique. Je le sais, ce vers la clé de l'amour, de l'amitié. Mon ami, dont les jours sont de pluie, de tout est perdu. Écoute et souris. Oui, souris à la vie. Oublie tous tes ennuis. Ne sois plus triste. Le rêve existe. Qui est au creux de ta main. Regarde le soleil briller. Écoute les oiseaux chanter pour toi la musique. Oui, la musique. Je le sais, sera la clé. Jacques Demy présente son film La Baie des Anges. Joseph Kessel publie Tous ce n'étaient pas des anges. Et sous les ondes des radios périphériques, Lilton Flirt, le nouveau titre de Del Shannon fait fureur. Allez, situons le tout. Il fait beau, c'est les vacances. Nous sommes en août 1963. Toujours la plus belle pour aller danser. Dans quelques minutes, Sylvie Vartan sera l'invitée du coin du spécialiste. Juste après les Beatles, Dave Draper. Merci en tout cas de nous écouter. Excellent après-midi sur Radio Gemozo. Now années 60, des souvenirs plein la tête sur Radio Guémozo. Près de 20 ans, elle sera l'idole des teenagers et de leurs parents. Sylvie Vartan est née le 15 août 1944 à l'hôpital d'Istret, un petit village bulgare à 60 km de Sofia. En 1952, la guerre et la politique ayant dévasté la Bulgarie, les Vartan décident d'émigrer en France et débarquent à Paris la veille de Noël. À l'automne 61, elle remplace Gillian Hills qui devait chanter en duo avec Frankie Jourdon, Panne d'essence. L'enregistrement est réalisé et la chanson obtient un énorme succès. Pour Sylvie Vartan, c'est le début d'une longue carrière. En 1964, elle est au sommet de sa gloire. Et le 12 avril 1965, Sylvie Vartan, la reine du yéyé, épouse à Loconville Johnny Hallyday, le prince du rock. Les années et les tubes vont s'enchaîner. Aujourd'hui d'ailleurs, Sylvie Vartan peut être fière de sa carrière éblouissante, marquée par de nombreux moments privilégiés et une discographie abondante. Souvenir d'un âge d'or où le super 45 tours était roi. Idole des teenagers et de leurs parents, pour eux, Sylvie Vartan restera à jamais la plus belle pour aller danser. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi. Par toi, où je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés on décoiffé par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, la soie où je serai la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Tu veux me donner le souffle qui manque à ma vie dans un premier cri de bonheur. Oh, si tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours et l'amour en mon cœur, pour connaître la joie nouvelle du premier baiser. Qu'au sein des amours éternels, il faut que je sois la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Quel est le premier train qui vous fera danser, ouais. Allez danser tous le copage. Invitez des copains qui savent bien danser, ouais. Allez danser tous le copage. Vous allez droit devant et puis vous reculez. Vous twistez en marchant, ce n'est pas compliqué. Venez danser tous le copage, ah oui. Si vous avez un bon ticket, alors allez-y, venez danser quelqu'un qui vous plaît. Wow, wow. Attention, au départ, il faut vous dépêcher. Ouais. Venez danser tous le sauvage. Il est déjà trop tard, le train va démarrer. Ouais. Venez danser tous le sauvage. Messieurs les voyageurs, prenez le train de nuit. Jusqu'à la dernière heure, jusqu'au dernier whisky. Venez danser. Yeah, yeah, yeah. On est le bon wagon pour bien vous l'inviter, ouais. Allez danser tous de leur sauvage. En trouvant le garçon ou la fille qui vous plaît, ouais. Vous quittez les copains en leur disant bonsoir. Jusqu'à demain, pour la langue moche, non oui. Si vous avez un bon ticket, alors allez-y, reprenez. Si vous avez un bon ticket, alors venez danser. Ne quittez pas la musique, continue. Oublie ta peine, twist et chante tous tes problèmes, et puis cet amour qui te manque. Oui, ne t'en fais pas, oublie tous tes ennuis. Un autre amour va commencer, et demain tout sera changé. Oh, oublie tes larmes, retouille tes chants. Oublie, oublie, oublie tes larmes, et puis cet amour qui se ment. Oui, je t'en supplie, adieu, tant pis. Ne t'en fais pas et viens trister. Ne t'en fais pas et viens chanter. Quand tout s'achève, oublie cet amour qui te ment. Oui, tu t'échantes. Oublie, oublie cet amour. Tu t'échantes. Tu t'échantes. L'homme est arrivé, bruit de bottes. Ils se sont regardés sans rien dire. Un homme en noir qui le cherchait, il n'a rien dit, il s'est levé. Bruit de bottes, un regard de défi, tête haute. Il a pris son fusil sans rien dire. Cet homme en noir, il l'a suivi. Et dans la rue, ils sont partis. Tous les regards sont heureux. Ils vont se battre, oh mon Dieu. À l'un ou l'autre, il laissera sa vie. Oh mon Dieu, ayez pitié de lui, car je l'aime, je vous en prie, pour qu'il me revienne, je vous supplie. place, ils sont prêts à tirer face à face. Que va-t-il arriver, quoi qu'on fasse? Les jeux sont faits. On sait, cet homme en noir va le tuer. Tous les regards sur eux sont braqués. Et mon cœur bat se briser. Je prie pour lui. Pour qu'il me revienne en vie. Oui. Pour qu'il me revienne en vie. Oh, il a tué. Rock and Twist sur Radio Gémozo. Les voix, le son qu'on n'oublie pas. Quand le film est triste, ça me fait pleurer. Ce soir j'ai du travail, il m'a dit ça sans moi. Je m'en suis allée toute seule au cinéma. Les actualités venaient de commencer. Au bras de ma meilleure amie, il est arrivé. Ils sont passés tous les deux sans me voir. Puis devant moi, ils sont venus s'asseoir. J'ai cru mourir, ils se sont embrassés. Et juste au milieu du dessin animé, moi j'ai pleuré. Oh, oh, oh, quand le film est triste, ça me fait pleurer. Oh, quand le film est triste, ça me fait pleurer. Je suis rentrée bien vite à la maison. Mes parents voyant mes larmes m'ont posé des questions. J'ai été obligée de leur mentir pour leur dire quand le film est triste, ça me fait pleurer. Oh, oh, oh, quand le film est triste, ça me fait pleurer. Je sais qu'il est dur de recommencer. Crois-moi, sur Radio Guémozo, le temps des yéyés, le meilleur des 60s. Retourne chez ta mère, sans faire de discours. Ton cœur de pierre, je me jure à plus de Dieu. Oh, va-t'en, yeah, yeah. Ah, hey, hey, hey, Pauline, j'implore ton retour. Car ma colère m'emportera sur l'amour. Oh, reviens, yeah, yeah. Reviens, yeah, yeah. Oh, Polly. Hey Pony, à l'instant c'était les Chaussettes Noires qui ont perdu en 1996 l'un de leurs membres, puisque Aldo Martinez, bassiste fondateur des Chaussettes Noires, est décédé le 22 mai 1996, victime d'un accident cérébral. Il avait 56 ans. Que tu joues opposé pour ce troisième et dernier match à la version originale des Trucks, With a Girl Like You, Johnny Hallyday ou les Trucks sur Radio Gemozo, c'est à vous de choisir. With you.

jeune et jeune qui voudrait bien t'emmener où le soleil brille très loin là-bas t'aimer. Et mon père qui crie toujours que je ne suis bon. Salut les 60, merci de nous avoir tenu compagnie cet après-midi. On se retrouve lundi prochain dès 15h pour une nouvelle émission et dimanche à partir de 10h pour la rediffusion de celle-ci. Excellente fin de journée, excellente semaine sur Radio Gemozo. Notez bien notre adresse internet radiogemozo.eu, le tout en minuscules et sans accent. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. I don't please this. This here is not a star high. And even Lana Turner smile. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just cares for me. Places, Liz Taylor is not in the style, and even Liberace smiled. Something he can't see, it's something he can't see. I wonder what's wrong with Ben.